Pauline devient la mère de mes enfants. Pauline, fais-moi l'amour et prête-moi ton sang. Et même au concert des Fonds-Blancs, tu me fais fondre en un regard. Pauline devient la mère de mes enfants. Pauline, souris-moi, je veux voir tes dents qui sont aussi blanches que mes nuits, qui sont aussi belles que ma vie. Pauline devient la mère de mes enfants. Pauline, tu sais, je t'aime comme Lara Fabian. Je pourrais t'offrir ma vie, mais attention, parce que je pourrais te manger. Mais je pourrais surtout t'aimer.